Yeah, yeah, yeah, yeah. Angry Sam oublié, yeah, yeah. Je voudrais pouvoir avancer le temps jusqu'à temps que je sois content, que je sois pas triste, mes actes. Avec le démon, j'ai fait le temps, j'ai tout fait pour me rendre heureux de jour en jour. Moi, je suis belle, je veux juste m'enlever la vie avant de sombrer dans l'oubli. Mais faites tasse, vous en pas trop, petit gars, le temps s'écoulera. Va en avoir d'autres des moments pour s'accrocher finalement. À ce temps, j'ai plus peur de vous dire pour le meilleur ou le pire. Après des pensées suicidaires, faudrait peut-être que je revienne sur terre. Pour une fois, écoute ta mère qui sans cesse te dit de taire, d'arrêter de faire à ta tête. Anyway, je m'en crise mon aide. Je veux juste pour une fois en finir pour le meilleur ou le pire. Cette fois-là, j'abandonne, m'en va loin de là. Pour une dernière fois, oublie-moi. Je parle à tous mes frères, je reviendrai plus sur terre. Depuis, je rappe à ma façon, je fais juste parler en con. D'un autre côté, on me dit, mon temps y'est pas fini. Mais je suis brisé de l'intérieur. Ma vie à cette heure, ça me fend le cœur. Même plus capable de réaliser des projets que j'aimerais qu'ils soient faits. Yeah, les fins de semaine, c'est un faux chier, je suis pogné chez nous. Yeah, pogné à manger dodo pis boire comme un porc. Yeah, fumer jusqu'au papy, la vie est moins dérangeante, t'sais. Mais le temps s'écoulera jusqu'à temps que ta vie soit moins tombée dans l'oubli. Je me parle à moi-même, fuck it. J'suis tanné tout prendre au négatif. Peut-être que si je boirais moins, je serais moins agressif. Pis peut-être qu'un jour je finirai par oublier. Oublier, oublier, oublier, oublier, oublier, yeah, yeah. Oublier, oublier, oublier, ouh. Oublier, oublier, ouh. Oublier, oublier, oublier, oublier, oublier, yeah. Oublier, oublier, oublier, oublier, oublier, oublier, yeah. Oublier. Ouh. Oublier, oublier, oublier, yeah. Oublier, oublier, oublier, oublier, oublier. Ah ouais, change de beat. Let's go, ça me t'a encore du temps pour prouver au monde qui tu es vraiment. Qu'ils viennent pas te faire chier encore une fois. Puis dis-leur d'arrêter de mettre le nez dans tes affaires. Puis dis-leur aussi de te foutre le pic à l'vent. Hey, Twitch, t'es pas sonné, fait vieux, donc pas me faire chier. C'est assez, faire toujours abaisser, comme toi, je vis ma vie, t'sais. On m'empêche faire mes affaires, on pogne en train de fumer un joint, mais c'est pas vos rabaissements qui vont faire un fucking changement. Comme toi, je veux vivre ma vie, comme je veux, promis, je calerai pas dans le creux. J'ai de la misère à allumer, j'ai de la misère à me faire aimer. J'suis un gars toujours dans sa tête, qui cherche à se faire une quête. La vie, je la porte comme une paire de grecs, champumé, mais chèque maintenant. J'en ai ben trop à décrire, mais vaut mieux ça. Plutôt que mourir, oui, je suis une attaque à stress. Ce que je ferais pas pour faire blesse. Difficulté à avancer, seul jeu que j'ai besoin de toi. Mais j'suis un petit gars dans le pain cauchemar qui fait le pic solo sort. J'ai appris à être bien tenace à ce je rappe dans toutes vos faces. J'en ai plus rien à chier de vos fucking imbécilités. Si tu veux suivre, j'grandis comme je veux. Les meilleurs me suivent, c'est mieux. Yeah, ouais. J'suis pas le petit gars à maman, j'suis pas non plus pas le plus grand. Des personnes famous dans la vie, j'fais ce que je veux, pis le reste j'l'oublie. Sache que je me tue pas à petit feu, j'vis ma vie, j'fais ce que je veux. Venez encore me faire chier, ma vengeance, j'la vivrai pas deux fois, mais c'est là. Perdu dans ma tête, je cherche toujours la peau de la fête. J'suis pas en train de paniquer, j'veux juste vous faire comprendre que j'ai la rage, t'sais. J'vis, oh oui, j'existe encore, prenez-moi pas pour un porc. Des mots vulgaires, j'ai fini avec tous les facts, laisse faire. Vengeance, yeah. Vengeance.